Dans la nuit des temps, nous marchons tous les deux sans histoire, droit devant ton sourire d'enfant, droit dans l'aléatoire, dessous les comètes, les feux, accoudés au comptoir. Nous on se prend pour des dieux. L'important c'est d'y croire. On n'a pas la thune mais l'espoir, pas le blé mais l'envie. L'important ami c'est d'aller jusqu'au bout de la nuit. Bien sûr y'a les cons au pouvoir, où tout ça nous mènera. Passer la nuit sur des trottoirs, on va marcher dans le noir. Dans la nuit devant l'horizon, fait de sang et d'ivoire, droit dedans l'enfer et le gars, pile au fond du trou noir. Passer les rencontres et les adieux, passer dans la passoire. On se dit que tout ça n'est qu'un jeu, qu'un grand huit à la fois. On n'a pas la thune mais l'espoir, pas le blé mais l'envie. L'important ami c'est d'aller jusqu'au bout de la nuit. C'est sûr y'a les cons au pouvoir, tout ça nous mènera. Passer la nuit sur des trottoirs, ouais marcher dans le noir. On n'a pas la thune mais l'espoir.